Luka. Yeah. à vous toutes, les 13h passées de 30 minutes. Bienvenue à vous tous et à vous toutes si vous prenez l'écoute et nous sommes ensemble pendant quelques heures, ensemble avec les chansons et bien de toutes les années. Voilà aussi, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Et oui, nous sommes déjà le mardi, ça passe très très vite. Voilà aussi, donc, eh bien, nous sommes ensemble, comme je l'ai dit, avec beaucoup de chansons différentes pour faire plaisir. Voilà, demain, je vous laisse avec tout simplement plus près des étoiles avec le groupe Gold. Et puis après, on ira faire avec le groupe Image. Ils ont quitté leur terre, leur champ de fleurs et leur livre sacré. Voici Garou, le titre à toi est suivi de Julien Clerc. Boum! Allons-y, à l'éternel retour de la chance. Allons-y, viendra le fait tic tac tic tic. Les oiseaux du lac pic pac pic pic. Glou glou glou font tous les dindons. Et la jolie cloche a ding ding dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui du boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante love in blue. Au rythme de ce boum. T'as changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Y a du lilas et y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait beau, tout avec lui dit beau, quand notre cœur fait boum. Le vent dans les bois fait boum, la bichose à bois fait main. La vaisselle cassée fait cric cric crac. Et les pieds mouillés font flic flic flac. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Oiseau dit boum, c'est l'orage. Brrr, boum, l'éclair qui lui fait boum. Et le bon Dieu dit boum, dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, léger qu'un oiseau qu'une abeille. Et s'il fait beau, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum, le monde entier fait beau, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum. Notre cœur fait beau, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, boum, boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum. Je me sens comme jeté à la mer. Le soir j'y repense sans trouver le sommeil. Ils me disent tous que la nuit porte conseil. J'ai juste besoin d'une voix, d'une lueur, d'un éclair. J'ai peur de me perdre, peur d'éteindre la flamme. Peur que mes pensées possèdent mon avenir qui s'enflamme. Peur de la peur elle-même qui ne me quitte plus le soir. Peur de tuer ma voix. Dis-moi comment rayer le noir. Souvent je me sens comme jeté à la mer. Le soir j'y repense sans trouver le sommeil. Et ils me disent tous que la nuit porte conseil. J'ai juste besoin d'une voix, d'une lueur, d'un éclair. Et si trois mois plus tard j'ai vécu sans histoire, un avenir illusoire, mêlé de doutes, de désespoir. Est-ce un échec personnel de choisir le chemin de père? Devant ces gens, les pieds sur terre, j'illuminerai leurs yeux austères. Souvent je me sens comme jeté à la mer. Le soir j'y repense sans trouver le sommeil. Et ils me disent tous que la nuit porte conseil. Besoin d'une voix, d'une lueur, d'un éclair. Comme jeté à la mer, jeté à la mer, je me sens. Comme jeté à la mer, jeté à la mer, je me sens. Comme jeté à la mer, jeté à la mer, je me sens. Comme jeté à la mer, jeté à la mer. D'une lueur, d'un éclair.

moonlight always burn me with the sun. She's taken my heart, she doesn't know what she's done. Feel a breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes. Thank you. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. C'est aussi ça? Thank you. vol d'hirondelle, plus joli qu'un matin de printemps. Fragile comme une fleur nouvelle, aussi claire qu'un rire d'enfant. Tu envahis soudain nos âmes, en changeant tout le gris en couleur. Tu nous réchauffes de ta flamme, en glissant de ton fond de nos cœurs. Hey, c'est toi, la plus belle, on t'appelle la valse des amours. Tu nous ensorcelles, en tournant jusqu'au tout petit jour. Quand tu nous entraînes, on se dit que le temps est trop court. On se dit je t'aime, en jetant la valse des amours. C'est beau quand on s'aime, sur l'air de la valse des amours. Tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc Céline Dion, le titre Je ne sais pas, et puis suivi de Goldman. Des filles, des machines, narguées des lois, les foudres divines, ça ne fait pas. C'est prendre un coup. Ton Victoria secret, dans ton string calvé, tout ton jean Levi's. Paris est un dimanche à Bamako, mais si ce n'est pas un homme, hey. Si ce n'est pas un homme, désolé bébé, c'est comme ça, aucune meuf sur terre ne pourra me changer. Tu n'es pas la première personne à avoir essayé. Pardonne-moi si j'ai une personne trop dérangée. Viens poser tes fesses, comme dans la caisse. Vas-y, on se casse, mets ta ceinture, c'est ta crash test. Ma source accueillisse automatique, je passe pas les vitesses. J'accélère, on a la tête posée sur la fusée. Toute la nuit, les pneus brûlent sur la route 66. Attention, on a pris le volant sous drogue et tease. Accélère, accélère, me dis ma montre suisse. Je réfléchis, pas de bitch, pas de bitch, c'est neuf. J'ai galère à garer le merco. Dans le club, j'attire toutes les michetos. La monnaie efface la mocheté. Mais des coups, tu pourras jamais acheter. Je préfère la trahison, j'aime pas la lâcheté. J'aime quand elle prend ça pour un litchi. J'aime pas quand je la baisse et elle dit chi. Je me fais ii sur la banquette. Dans le bas des, j'y frite direct sur la plaquette. J'ai un plan A, un plan B ou une pesette. D'aller monter où il est passage. What bitch, what bitch, c'est une info. J'ai galère à garer le merco. Dans le club, j'attire toutes les michetos. La monnaie efface la moche. La baisse, la baisse, la baisse, la baisse, la baisse. Elle me dit sur la télé, mais t'as juste plus d'espèces. Elle me dit qu'elle aime pour ce que je suis, pas juste pour ma caisse. Elle me dit faut que je tape ses soeurs, jamais dans la cesse. Elle voudrait que je sois dans sa foule, plus jamais dans la tête. Dans le bloc, sa mère, j'ai dû que craindre des galettes. Je vois un gosse péter une canette. Qui t'a obligé si je me déplace, animer ta fête. Qui t'a coloré en direct des galeries Lafayette. Dans le bloc, sa mère, sa mère, sa mère. J'passe tout l'hiver. Droite automatique, tout je tartine. Hey, hey. Elle a pas de fric, tout elle tapine. Hey. Il a pas de soie, donc il jardine. Hey. 300 balles dans une paire de Jordan. Hey. Et je danse avec mon cœur, t'es pas capable de le faire. Sur la banquette, dans le bas de j'ai frit direct sur la plaquette. J'ai un plan A, un plan B ou une PZ. J'évite les scouts d'aller monter au lit passage. Dans le bloc, sa mère, j'ai du cul gravé les galettes. Yeah. jamais ta vie. Je ne veux pas t'en faire, mais t'en oublies. Jamais tu ne le bonheur, tout en couleur. Voici donc deux chansons différentes de Slimane. Le premier s'appelle Sentimental, le deuxième La Recette, et puis juste après, on écoutera des chansons de Bernard Lavilliers. J'ai pas peur de l'amour, je ferai pas machine arrière, non, moi je suis pas comme ça. C'est parfois je suis sombre que j'ai besoin d'être seul, surtout ne t'inquiète pas. T'as rien à voir là-dedans, laisse-moi reprendre le volant et t'emmener loin de tout ça. Je te ferai pas de bobo, laisse-moi dodo, pousse-toi dans mes bras, je suis là. Je te ferai pas de bobo, y'a pas de défaut, prends-toi pas la tête, je suis là. Je suis sentimental, tu connais ma mentale. Je ne te ferai pas de sale, toi t'es mon idéal. Laisse-moi dodo, pousse-toi dans mes bras, je suis là. Je te ferai pas de bobo, y'a pas de défaut, prends-toi pas la tête, je suis là. Viens te coller à moi, plus jamais séparés, on s'est enfin trouvé. Viens te poser sur moi, y'a plus rien à chercher, je te ferai tout oublier. Je te dépose mon cœur, faisons ce que tu veux, tant qu'on est tous les deux. Je te prendrai ta douleur, on lui dira adieu, car je ferai de mon mieux. Je te ferai pas de bobo, laisse-moi dodo, je te sois dans mes bras, je suis là. Je te ferai pas de bobo, y'a pas de défaut, prends-toi pas la tête, je suis là. Je suis sentimental, tu connais ma mentale. Je ne te ferai pas de sale, toi t'es mon idéal. Laisse-moi dodo, pousse-toi dans mes bras, je suis là. Je te ferai pas de bobo, y'a pas de défaut, prends-toi pas la tête, je suis là. Allez danse dans mes bras, surtout ne t'arrête pas. Allez danse dans mes bras, je ne partirai pas, non. Je chanterai dans tes bras, à en perdre la voix. Allez danse dans mes bras, je ne partirai pas. Je suis sentimental, tu connais ma mentale. Je ne te ferai pas de sale, toi t'es mon idéal. Je te ferai pas de bobo, laisse-moi dodo, pousse-toi dans mes bras, je suis là. Je te ferai pas de bobo, y'a pas de défaut, prends-toi pas la tête, je suis là. Je te ferai pas de bobo,

entre deux. On attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne, des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous le soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés, brûlés, brûlés. Arc-en-ciel. les épaules, la puissance de se libérer. Sur son drapeau, juste à l'instant, vous avez pu entendre les Quarks, et puis je vous laisse avec quelques country.

far west, decidi tu cos'è, è un tuffo nel passato gridando yuppie. Adesso tocca a voi, se siete dei cowboy, scendete da cavallo, ballate insieme a noi. Giriamo insieme nella pista, questa musica conquista, se c'è chi non la gusta, spari al chitarrista. Se per puro caso è una musica che piace, non fate complimenti ed applaudite. È giunto il tempo della caccia per trovare la donna giusta, vi aiuta l'atmosfera, la paraonda in pista. Prendi la tua dama e senta un bacio galeotto, chissà se poi succede un 48. Oppure vi appartate in un boschetto, allora può succedere di tutto. Se aggiungiamo il 21 al 48, ma non sono mica numeri dell'otto. Explanations are complications. know the where or why. Bold advances. Don't care if you think we're out of line. Conversation is interrogation. Get out of here, we just don't have the time. Take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc Lily Harmonie avec Rock Nord et puis celui de France Gall, Cézanne Pain.

les Mistral gagnants. Franck Miguel, avec toi, j'ai 20 ans. t'as jamais vu une femme qui se bat. outras gerações tantas coisas inventaram. Reunidos no estrangeiro tinham que se falar. Hoje foi a maneira de se cumprimentar. Já dei a volta ao mundo a cantar. Hoje na América, hoje no Canadá, hoje na Suíça, hoje em Portugal, hoje é um bom dia internacional. Hoje é maneira de dizer boa tarde a toda a gente com amor e com prazer. Hoje é maneira de dizer boa tarde a toda a gente com amor e com prazer. Bom dia, boa tarde, boa noite, se calhar em qualquer país levo Portugal a cantar. Com um sexo é bom ou estou a equipar. E agora com as ués toda a gente vai bailar. Vou dar a volta ao mundo a cantar. Ués, ués no Brasil, ués, ués no Panamá, ués, ués na China, ués, ués em Portugal. Ués, ués é um bom dia fenomenal. Ués, ués, ués, ués é maneira de dizer boa tarde a toda a gente com amor e com prazer. Ués, ués, ués, ués é maneira de dizer boa tarde a toda a gente com amor e com prazer. Os nossos portugueses que para o mundo emigraram, as nossas gerações tantas coisas inventaram. Reunidos no estrangeiro tinham que se falar. Hoje foi a maneira de se cumprimentar. Já dei a volta ao mundo a cantar. Hoje na América, hoje no Canadá, hoje na Suíça, hoje em Portugal, hoje é um bom dia internacional. Hoje é maneira de dizer boa tarde a toda a gente com amor e com prazer. Hoje é maneira de dizer boa tarde a toda a gente com amor e com prazer. É maneira de dizer boa tarde a toda a gente com amor e com prazer. É maneira de dizer boa tarde a toda a gente com amor e com prazer. É maneira de dizer boa tarde a toda a gente com amor e com prazer. É maneira de dizer boa tarde a toda a gente com amor e com prazer. Au milieu d'un champ. plus de chat, plus de secousses. Tu étais le zèle de la vie, j'en ai perdu le goût depuis. Mes souvenirs sont des fantômes. Tu étais le zèle de la vie, j'en ai perdu le goût depuis. Rien ne m'inspire, je suis un môme sans son étoile. C'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. Voici donc près de moi, c'est le titre, c'est Angina. Je veux que tu danses près de moi. Qu'on était plein à reprendre les murs de nos villes et laisser l'empreinte de nos mains. Pas que sur nos écrans tactiles. J'ai plus rien, je suis comme ça. C'est plus fort que moi. J'y crois, Lily croit plus, Lily croit pas. C'est pas pour moi. Tout commence par un j'imagine. Dans un coin de ta tête, un rêve qui soudain la chaud. La mer au creux des vagues, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Le cœur serré, couler les larmes, ça n'allait pas, ça n'allait pas. J'ai fait la guerre aux vagues à l'âme, sous l'eau, sous les lettres comme ça. J'ai vu la terre tourner sans moi, ça n'allait pas. Voici donc Yannick Noah avec Tout simplement la vie, c'est maintenant. Fais de la place à la lumière et ça. Et puis juste après, Stéphane Echer, sans contact. M'a connu, frérot, c'est platon que j'ai vu. Ce que j'attendais d'une amie, toi tu m'as dit. La vie c'est maintenant, on n'a pas le temps. Pas de regrets ni de rancœur, la tête ailleurs, la tête ailleurs. La vie c'est maintenant, on voit les choses en grand. Dans tes yeux, sois sûr de ça. Sois sûr de ça. Autant de courage pour deux, sois sûr de ça. Sois sûr de ça. Et si l'hiver est de passage, c'est pour mieux tendre les bras. Se rassurer quand c'est trop dur, sois sûr de ça. La vie c'est maintenant. C'est aussi ça, pour se la voir, pour se la voir. Mais si ça va, moi ça me va, moi ça me va. C'est aussi ça, un ami pour moi. La vie c'est maintenant, on n'a pas le temps. Pas de regrets ni de rancœur, la tête ailleurs, la tête ailleurs. La vie c'est maintenant, on voit les choses en grand. On dégomme la douleur. La vie c'est maintenant. La vie c'est maintenant. On n'a pas le temps. La vie c'est maintenant. La vie c'est maintenant. Arc-en-ciel. Non. est, tu t'en vas. Tu fous le camp, tout est fini. Et toi, tu me dis ça comme ça. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? T'emportes pas que des bouquins, tes vêtements et ton ordi. Ici, c'était chez toi. Si tu l'as pas compris, c'est pas la peine de s'emballer. Ça pouvait attendre demain. Alors c'est fini, nous deux. Tu vas sortir de ma vie. Tu parles en baissant les yeux. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Entre nous, soyons honnêtes. Tu sais bien qu'il n'y avait pas le feu. Je t'ai toujours dit, Suzy, tu feras tout ce que tu veux. Mais dire qu'on n'avait pas d'avenir, ça pouvait attendre demain. Alors tu veux me dire adieu, mais qu'on va rester bons amis. Est-ce que tu te fous pas de ma gueule? Il y a des moments, ma Suzy. Pas de problème de garde d'enfant, on n'en a pas eu, youpi. Ok, je suis dégueulasse, mais tu l'as cherché aussi. Pourquoi tu voulais me quitter? Tu vois bien qu'on s'aime encore. Je n'ai jamais voulu te tuer. C'est mon cœur qui battait trop fort. Voici donc Jennifer, le titre tout simplement Sauve qui aime. Suzy. Sauve qui aime. Sauve qui aime. J'ai qu'une ovague à l'âme, mon ami, mon amour. J'ai le cœur à l'envers, ivoire ou velours. Le nez en l'air, je flâne, je gâte aux alentours. Le cœur à découvert, en attendant ton retour. On se fait du mal, on se fait du bien. Les mois qui vaguent, on n'y comprend rien. En fait, on se fait du mal, on se fait du bien. C'est comme une vague, nous deux, ça va, ça vient. C'est toujours toi qui dis que c'est toujours moi. C'est toujours l'autre. Alors à qui la fait toujours moi qui dis que c'est toujours toi. Pourvu qu'un jour, qu'un peu d'élève se comprenne et sauf qui est. Sauf qui est. Entre la rose et l'épine, mon ami, mon amour. J'ai la gorge qui se serre et le souffle court. Au fond de ma routine, tu lis la nuit, le jour et mille carabines quand je me ferme à double tour. On fait du mal, on fait du bien. Les mois divagent, on n'y comprend rien. En fait, on fait du mal, on fait du bien. C'est comme une vague, nous deux, ça va, ça vient. C'est toujours toi qui dis que c'est toujours moi. C'est toujours l'autre. Alors à qui la fait toujours moi qui dis que c'est toujours toi. S'égare, puis on se retient. En fait, un jour je pars, l'autre tu reviens comme sur une balance. Nous deux, ça va, ça vient. C'est toujours toi qui dis que c'est toujours moi. C'est toujours l'autre. Alors à qui la fait toujours moi qui dis que c'est toujours toi. Pourvu qu'un jour, qu'un peu d'élève se comprenne et sourire. Arc-en-ciel. Voici donc Valentina avec J'imagine, et puis juste après deux titres Zouk. Il n'y a plus de fleurs au balcon, flûte, elles ont pané sous mes doigts. Oups, c'était pas la bonne saison, mais le printemps reviendra. Oups, j'ai rêvé qu'on était plein à reprendre les murs de nos villes et laisser l'empreinte de nos mains, pas que sur nos écrans tactiles. J'ai plus rien, je suis comme ça, c'est plus fort que moi. J'y crois, Lily croit plus, Lily croit pas, c'est pas pour moi. Tout commence par un j'imagine, dans un coin de ta tête, un rêve qui soudain se dessine. Que plus rien n'arrête, dis-moi toi ce que t'imagines. Chante-le à ta tête, passe le message à ta voisine. Hey, moi je suis chose à faire, même en plein milieu de salon, sur nos écrans, les mains en l'air, pour faire la révolution. J'y peux rien, je suis comme ça, c'est plus fort que moi. J'y crois, et n'y crois plus, et n'y crois pas, c'est pas pour moi. Tout commence par un j'imagine, dans un coin de ta tête, un rêve qui soudain se dessine. Que plus rien n'arrête, dis-moi toi ce que t'imagines. Chante-le à tu tête, passe le message. Hey, moi je suis prêt. Tu fais quoi? Imagine avec moi. Cut. côté. Botte tudo que é concreto, mas sem boca tem vontade. Grinha assim, fazer nem que mais um beijo. Grinha assim, grinha uma outra vez. Sinto mais uma vez, meu corpo quente na mim. Yeah. de commencer, c'est quand ça qui est important. C'est pas pour m'aimer, le petit malin. Un cafou qui est à dents, c'est ça qui est important. C'est pas pour m'aimer, le petit malin. Alice Actrice. Silence. Ces ultimes je t'aime et ces hivers sur l'océan déchiré, ses tourments doucement conquérir son printemps, partir bien loin sans penser à demain, tendre son cœur meurtri vers l'infini, apprivoiser ce royaume argenté, jeter au goémon ses illusions, enfin s'évader sur la mer apaisée, son mal d'aimer, enfin s'enivrer de cette immensité et lire son histoire dans son miroir, enfin s'évader d'un amour prisonnier, sur la mer apaisée, son mal d'aimer, enfin s'enivrer de cette immensité et lire son histoire dans son. Combien Voici donc Frédéric François, son titre, Il s'aime, et puis suivi de des chansons de Rose Laurence, Africa. Quand ce vacarme immense, une fille s'avance sans défense. Il la prend dans ses bras, geste maladroit d'innocence. Je saurais te défendre, emmène-moi avec toi. On est perdu d'avance, si c'est chacun pour soi. Te quiero, ti amo, te estimo. C'est un cri contre l'indifférence. À Rio, Palermo, Santiago, ça suffit pour faire la différence. Enfant dans la tourmente, qui porte en eux les chaînes. Des anges qui déchantent, et puis que l'on comprenne. Et je n'ai pas encore dormi. voici donc Joss, Jonathan, et puis juste après, Julien Doré. Dis-moi que si tu es là, ce n'est pas juste pour mes jolis yeux. Dis-moi qu'au-delà de ça, il y a d'autres raisons qui te rendent heureux. Dis-moi si tu aimes bien nos paresses et nos matins d'amoureux. Dis-moi que c'est un début, mais que tu vois déjà la suite à deux. Dis-moi que je suis la seule, que tu n'es jamais autant désirée. Je n'ai pas de rendez-vous, plus de rencard que j'ai envie d'accepter. Avec toi c'est évident, je suis prête à oublier mon passé. J'ai toujours aimé charmer, mais peu importe, ce n'est qu'à toi que je plais. Moi je me dis que c'est toi. Je te veux, coco, sur la plage, Cancali, sur la plage, Cancali. De ta bouche, Coco Marie, l'océan parle, la coupe bleue à l'eau salée, sur tes lèvres parle, sur ta peau, mélange sublime, les dauphins du large ont le cœur trempé, cosmique, au lointain. Arc-en-ciel. Cette mix, Louis, on va se quitter dans cette émission. Voilà. Donc, bien, j'espère que vous passez un bon après-midi, tout simplement. Voilà, donc on va se retrouver prochainement. Donc, on va se retrouver déjà vendredi à partir de 13h30 et après ainsi dimanche à partir aussi, pareil, entre 13h30 pour l'accordéon. Voilà, donc, et bien, je vous dis bon sang à vous toutes. Quand est le comico, j'ai une coupe passée, je la verrai pas deux fois. Quand je vais la voir, je prends ma meilleure voix. Dans l'allée, ton beau numéro romantique. Il faut des appels de phare. Quand il bouge ou quand j'adore, tu es obligé de réagir. Parce qu'elle est douce. C'est la meuf qui a plein de principes. Je lâche la verre, je retourne faire mon vie. Le soir, je pense que tu m'as tenté. Elle est casse. Le bas du dos est bien bombé. Elle est con. Tout le monde veut la gérer. Elle est con. Elle veut me regarder. Mais je pense. Qu'est-ce qu'elle est con. Qu'est-ce qu'elle est con. Elle est ramassée. Quand je rentre, je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre mon peuple. Jamais, jamais. Qui t'a pour le coco, qui t'a pour les tables, qui t'a pour les télos. Si t'es belle, bonne, ma chérie, donne ton number. Toi, tu ressembles beaucoup à Amber. T'as déjà posé ton histoire d'amour, je m'en beurre. Je veux pas te faire gérer à la cas aucun film. Pourquoi tu regardes, tu veux savoir si garde ton pour moi. La go est bouche, c'est quoi est bouche. Ça va finir par coller dans les épaules et ça crie. La go est bouche, ton carré toi. Je veux pas te laisser pas de faire. Je veux pas bon bête, elle est top. Tout le monde veut la télé, elle est top. Elle veut que me regarder, mais je pense. Qu'est-ce qu'elle est tombe, qu'est-ce qu'elle est tombe. Il est trop mal, no, no, no. mami, a un culana. Y lo no lo sé. internacional. Longe da vista, perto do coração.